Bonjour et bienvenue maintenant à un entretien que j'effectue en compagnie de Carnon Yeo. Alors, c'est une personne que j'ai découvert il y a à peine quelques jours qui est située en Côte d'Ivoire et qui écoute mes enregistrements. Donc, lui, il est actif sur Facebook. Donc, il y a un compte présentement sur Facebook pour ceux et celles qui seront intéressés par la suite à entrer en contact avec lui. Donc, c'est un plaisir, Carnon, de discuter pour la première fois avec toi. Donc, ça va bien? Je vais très bien. Excellent. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est une première parce que tu es la première personne avec laquelle je fais une entrevue qui est située en Afrique pour parler de conscience supramentale. Donc, j'étais curieux de savoir dans un premier temps, là, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la conscience supramentale? J'ai rencontré un monsieur du nom de Jean-Pierre Deschenes, qui malheureusement n'est pas de ce monde. Et c'est ce dernier avec qui j'ai eu des échanges sur Facebook. Et il a vu que j'avais une conscience. Bon, qu'est-ce qui s'est de l'ordinaire? Il m'a dit que j'étais en évolution de conscience. Ok, donc c'est avec Jean-Pierre Deschenes que je me suis initié à la science du supramental. Nous avons échangé durant un bon moment, depuis 2014 jusqu'en 2016. Ok. Donc c'est à travers lui que j'ai connu les conférences de Bernard de Moral. Ok, donc peu à peu, en écoutant ces conférences, j'ai senti en moi quelque chose qui s'améliorait. Donc, je me suis donc familiarisé à la science de l'esprit jusqu'à aujourd'hui. Okay. Donc, à travers maintenant l'entourage de Jean-Pierre Deschenes, j'ai connu aussi d'autres personnes qui m'ont aussi aidé à travers cette voie. Voilà ce que je peux dire. OK, donc si je comprends bien, mais c'est que tu as rencontré quelqu'un qui, lui, est-ce qu'il avait été en contact avec Bernard de Montréal? Et oui, c'est un séminariste de Bernard de Montréal. OK, puis lui, est-ce qu'il provenait de l'Afrique? Non, il provenait du Québec. OK. OK. Donc, c'est intéressant à voir que quelqu'un qui est parti du Québec a été en Afrique, puis là, il était en contact avec toi en Côte d'Ivoire. Donc, la conscience supramentale, elle se déplace dans le monde, comme on dit. Oui. Puisque c'est sur Facebook que je l'ai connu, comme cela. OK. C'est un jour, je l'ai écrit et tu t'es parlé de cela. Sinon, par rapport à la conscience supramentale, est-ce que tu as vécu des expériences particulières? Oui, j'ai vécu des expériences particulières, surtout dans mon enfance. Dans mon enfance, j'ai connu beaucoup de violence. OK. Puisque j'étais un garçon hyper sensible, donc ça m'a causé un traumatisme, puisque aujourd'hui, je souffre du bégaiement. OK. Mais justement, avec Jean-Pierre Deschenes, et il m'a permis de pouvoir comprendre ce qui m'est arrivé. Parce que c'était en fait un test initiatique pour m'amener vers une conscience plus élevée. OK. Voilà. Et pour bien comprendre, le test initiatique, tu fais référence à quoi? Bon, je fais référence à la blessure du rejet et de la violence. Que tu as connu dans ton enfance. Okay. Oui, justement, pour m'amener à être un plus mental et dans l'avenir. OK, donc autrement dit, le fait que tu as vécu de la violence dans l'enfance t'a amené à t'intérioriser? Oui. OK. Puis, dans le fond, par rapport au supramental, est-ce que tu as fait justement des réalisations particulières? Des raisons particulières, dans quel sens? OK, certaines prises de conscience. Bon, oui, il faut dire que avant, j'étais très spirituel. OK. J'étais très, très, très spirituel. Lorsque j'ai rencontré Jean-Pierre qui m'expliquait ces choses, bon, au départ, ça me semblait un peu bizarre. J'étais dans mon coin, très spirituel. OK. C'est après maintenant que j'ai vécu des expériences qui m'ont amené à réaliser que la spiritualité, est, que je l'ai dépassée. Puisque étant spirituel, je ne pourrais pas faire face à ces événements. Donc, c'est là que j'ai pris conscience que la spiritualité, pour moi, ne m'arrangeait pas. Donc, j'ai fait tomber. Ok, donc tu as réalisé les limites associées à la spiritualité. Oui, justement. C'est à travers un événement que j'ai vécu avec un proche Ok. qui m'a amené à prendre la spiritualité. Ok. Mais ça doit être particulier pour toi parce qu'étant en Côte d'Ivoire, il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent la conscience supramentale. J'imagine que tu dois vivre l'isolement. Justement, puisque Jean-Pierre, puisque mon ami Jean-Pierre me l'a signifié, il m'a dit que j'étais un homme extraordinaire. Bon, moi je n'aime pas trop. Ok, c'est ce qu'il m'a dit. Bon, j'en ai pris acte. Il faut dire ici qu'ici, en Afrique surtout, la science de l'esprit n'est pas trop répandue. Ceux qui vivent une conscience supramentale sont souvent marginalisés. On les trouve des personnes qui sont, bon, qui sont pas, des personnes qui sont hors du commun, quoi. Ben, Les gens sont très bizarres. moi, ben exactement, parce que je veux dire, le supramental, il y a quelques personnes au Québec qui vivent ça, il y en a d'autres en Europe, en France, mais en Afrique, j'imagine qu'il ne doit pas en avoir beaucoup là, présentement cette année 2018. J'imagine qu'à quelque part, tu dois vivre de la solitude en lien avec cette conscience-là. Oui, justement. Justement. Donc, Puisque, oui. puisqu'à part mes relations sur Facebook, je n'ai pas quelqu'un ici autour de moi pour parler de cette science. C'est sur Facebook que je côtoie des gens supramentaux. OK. Donc, c'est sûr que c'est une des raisons, entre autres, pour lesquelles je voulais te parler. Ben, je me suis dit, ça va te donner la chance, d'en discuter de vive voix. C'est sûr que moi, au Québec, je suis quand même privilégié parce que je peux assister à des activités de souper et rencontres avec des amis pour rencontrer des personnes sur le plan physique pour parler de conscience supramentale. Mais c'est sûr qu'éventuellement, ça va sans doute venir en Afrique puis un peu partout dans le monde là, qui va s'organiser des activités en lien avec ça. Puis, dans le fond, je voulais savoir si toi, par rapport, entre autres, aux enregistrements de Bernard de Montréal, ça t'a fait vivre des chocs, d'être confronté à ce matériel-là? Oui, en écoutant surtout les conférences de Bernard de Montréal, à chaque fois que j'écoute une de ces conférences, je sens quelque chose en moi, une harmonie, une paix intérieure. Et aussi, j'ai constaté que je vis souvent des événements en rapport avec ces conférences. Ah, c'est Par exemple, intéressant. Oui, vas-y. en écoutant une conférence intitulée La tolérance, Oui. j'ai vécu des événements en rapport à ta tolérance. Okay. Donc, à chaque fois que j'écoute une conférence se rapportant à un thème particulier, des mois plus tard, je vis une expérience en rapport avec la conférence en question. Donc, c'est sûr que c'est intéressant de voir le lien entre ce que tu écoutes, parce qu'après tout, l'enregistrement, Bernard dégage une vibration particulière, puis c'est ce qui m'a amené, entre autres, à m'intéresser à lui, puis à écouter ses enregistrements, puis j'imagine que c'est un petit peu la même chose par rapport à toi. Oui, justement, puisqu'au début, je ne m'intéresse pas trop à ces conférences. Mais c'est avec le temps, en écoutant ces conférences, que je me suis peu à peu familiarisé. Et aujourd'hui, il faut dire que chaque jour, presque, j'écoute Bernard de Montréal. Chaque jour, je l'écoute. OK, fait que dans le fond, tu l'écoutes régulièrement, puis à ce moment-là, ben tu baignes dans cette vibration-là. Oui, j'ai très bien. Lorsque je l'écoute, une conférence, je sens une paix en moi, une harmonie. Ouais, ben moi aussi. C'est d'ailleurs ce qui m'a amené au fil des ans à écouter de nombreuses de ces conférences. Sinon, ben j'étais curieux de savoir parce que à travers ces conférences, en plus d'être exposé à la vibration, ben, tu es exposé aussi au contexte québécois, au vocabulaire que les gens utilisent ici. Bon, faut dire que depuis 2018, 2014, je me suis beaucoup familiarisé au thème québécois. OK. Puisqu'aujourd'hui, pratiquement tous mes contacts de qualité proviennent du Québec. J'ai connu beaucoup de Québécois qui m'ont beaucoup aidé. Donc, je me suis peu à peu familiarisé au vocabulaire québécois. OK. Par exemple, je sais qu'aujourd'hui, un point québécois, lorsqu'il dit char, ça veut dire voiture. Exactement. Oui, ben, c'est sûr que le langage québécois est différent, par exemple, de celui du français de France, là, qui est plus répandu dans la francophonie. Puis, j'étais curieux de... Ouais. Donc, ben, c'est sûr que j'étais curieux de savoir un petit peu par rapport à toi, surtout à l'égard des jurons, quand les Québécois utilisent des termes comme, par exemple, calice, tabarnak, hostie. Comment que tu trouvais Justement. ça? Ouais. Souvent j'entends Bernard lui-même prononcer ces termes dans des conférences. Donc, je me suis intéressé à ça. Ça. Donc, ben, c'est sûr que Okay. c'est un aspect que je voulais discuter avec toi. Et puis, Oui. dans le fond, en lien avec le supramental, je voulais savoir, toi, quelle est était ta compréhension de ce qu'était l'esprit? Moi, l'esprit était une énergie en nous. Oui. Il faut dire que l'esprit, c'est notre intelligence qui nous éclaire. L'esprit veut descendre. L'esprit, pour moi, c'est l'intelligence pure en OK. l'homme. C'est le divin en l'homme. Puis L'esprit, c'est notre feu sacré qui nous éclaire. oui, puis sinon, pour toi, c'est quoi ta compréhension de l'âme? L'âme. Bon, au départ, lorsque j'étais plongé dans la spiritualité, pour moi, l'âme, c'était pour moi quelque chose d'extraordinaire. Donc, j'étais toujours dans l'âme, mais c'est après que j'ai réalisé que l'âme n'était que de la mémoire. En fait, c'est l'ensemble des mémoires depuis que nous avons été créés jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'âme, pour moi, c'est de la mémoire. Et pour Ok? toi, qu'est-ce qu'est le processus de la fusion? Pour moi, dans ma compréhension, le processus de la fusion, c'est l'union de l'esprit transcendé avec l'ego, notre ego. OK. Dans le fond, pour toi, c'est quoi le processus d'évolution de conscience? Pour moi, le processus d'évolution de conscience. Moi, je pense que c'est un processus de conscience. Il faut dire que bon, dans mon cas, Oui. je prends un exemple sur moi. Dans mon cas, j'étais avant très spirituel. J'avais beaucoup de dévotion pour les anges et les esprits. Je les invoquais chaque jour. Avec le temps, j'ai réalisé que c'était moi-même qui étais mon propre maître. Il fallait que je consulte moi-même d'abord. Donc, pour moi, le passage de la spiritualité à une conscience plus éclairée, pour moi, je pense que c'est une évolution. Oui, certainement. Et l'écoute des enregistrements de Bernard de Montréal, j'imagine que ça t'a aidé dans ce sens-là. Et oui, surtout, c'est que c'est à travers des événements qui m'ont choqué que j'ai réalisé que j'ai pris conscience qu'il fallait que je dépasse la spiritualité. OK. Parce que la spiritualité, pour moi, est très faible devant les forces astrales. Devant une force astrale, étant spirituelle, ça ne marche pas. Vous pouvez vous assujettir. Exactement, parce qu'à ce moment-là, on n'est pas libre. Oui, justement. Puis, comment tu trouves ça de vivre un processus de déspiritualisation alors que tu es en Afrique, puis il y a sans doute pas beaucoup de gens qui vivent ça comme toi là-bas, là. Bon, il faut dire que ce processus se vit de façon intérieure. OK. Vous voyez, c'est un jour étant couché sur mon lit, étant couché sur mon lit, que quelque chose m'est venu en l'esprit. Découpé carrément avec la spiritualité. C'est comme s'il y avait en moi quelque chose qui me parlait. Donc, depuis ce jour, j'ai coupé net. OK. Et après aussi, j'ai vécu une expérience qui m'a confirmé que je devrais laisser tomber la spiritualité. Donc aujourd'hui, il faut dire que la spiritualité, vraiment, ça m'intéresse OK. Puis quelle est cette expérience-là qui t'a amené de laisser ton à laisser tomber la spiritualité? Bon, et la première expérience que j'ai vécue, j'étais couché sur mon lit OK. et quelque chose en moi s'est produit et j'ai pris une conscience. Maintenant, la deuxième expérience, tu sais qu'avant, j'avais beaucoup de dévotion pour les anges. Je demandais leur aide. Mais avec le temps, j'ai réalisé que les demandes que je faisais auprès d'eux ne se réalisaient pas. Et j'ai vu que ce n'était pas la peine de continuer. Il faut dire que le processus est une phase interne. C'est inexplicable, mais ça se vit intérieurement. Exact. Donc, est-ce qu'on peut dire que tu as vécu une forme de contact avec ton esprit? Bon, pour le moment, je ne sais pas si j'ai vécu un contact avec mon esprit, puisque, il faut le dire, je suis en évolution. Je ne suis pas un fusionné. J'apprends auprès des autres. J'essaie de vivre l'expérience, d'assimiler les leçons derrière les événements. Puisque derrière un événement se cache un message que l'esprit veut nous véhiculer. Voilà. Exactement, parce Donc, que... je n'ai pas de fusion, je ne sais pas si c'est l'esprit qui me contacte ou bien si c'est autre chose. Mais ce que j'essaie, c'est intérieurement. Je sens moi quelque chose qui se produit peu à peu dans le temps. OK. Chaque jour, je sens que quelque chose s'améliorer, une compréhension nouvelle qui vient. OK, donc autrement dit, tu vis une forme de mutation psychique. Bon, si on veut le dire ainsi. Si on veut le dire ainsi. Donc, c'est sûr que si tu écoutes régulièrement les enregistrements de Bernard de Montréal, tu vas être travaillé par cette Oui. vibration-là. Oui. Il faut dire aujourd'hui que à ce jour d'aujourd'hui, j'ai aussi réalisé que le support mental était aussi une forme. Oui. Oui. Pour moi, le support mental était une forme. Et à chaque fois, quelque chose me vient en l'esprit, j'ai toujours en tête une phrase que Bernard avait dite. Ça me revient toujours en tête. Il avait dit que les gens deviendront supramentaux lorsqu'ils seront écœurés du supramental. Ah, oui, c'est bien dit dans le sens que lorsqu'ils seront plus fascinés par le supramental en tant que forme, Eh puis ils vont le oui, vivre, ben à ce moment-là, oui. il n'y aura plus c'est ça, de fascination envers ça en tant que forme. Donc, puis c'est là qu'ils vont le vivre réellement, là. Oui, justement. Et aussi, il faut le dire qu'un temps, j'étais beaucoup fasciné par Bernard de Montréal et aussi le support mental. J'étais presque même extrême. OK. Voilà. Donc, avec le temps, j'ai réalisé qu'il ne fallait pas être fanatique et avec le support mental. Oui, exactement, parce que sans ça, si on est fanatique, c'est un peu comme être fanatique de la religion. Oui, justement, c'est après que j'ai réalisé cela. Je suis curieux de savoir, étant donné que tu es en Côte d'Ivoire, Oui. toi, tu disais tantôt que tu invoquais les anges. Est-ce que est-ce que tu as grandi dans le cadre d'une religion particulière ou de croyances particulières? Le dire que je suis issu d'une famille musulmane. OK. Ouais, mais je suis libre de ma conscience. Vous dites que j'ai ma conscience à moi seul. OK, oui, ben, c'était juste Justement. de voir le contexte culturel dans lequel tu t'inscrivais, parce que moi, je suis issu d'une famille catholique au Québec. Oui, mais il faut le dire qu'avec le cadre dans lequel je vis, c'est beaucoup compliqué de parler avec des gens qui sont encore plongés dans la religion. Oui, c'est ça. Fait que, autrement dit, tu peux pas n'en parler trop ouvertement du supramental dans ton environnement. Je ne comprenais pas pourquoi les gens étaient pris dans leur religion. J'essaie souvent même de pouvoir les faire sortir de leur dogme, mais après j'ai réalisé qu'il faut laisser chacun suivre sa voie. Oui, exactement. Donc, c'est sûr que ça s'impose pas dans la conscience. Donc, c'est sûr que c'est intéressant de voir qu'à quelque part, il a fallu que tu dépasses le contexte culturel dans lequel tu te trouves pour acquérir une liberté au niveau psychique. Oui, absolument. Il faut que je le fasse. Je dois forcément dépasser ces contextes culturels, dépasser la mentalité de ceux qui pensent autrement. Exact. Fait que c'est sûr que ça te met dans une situation où tu deviens marginal. Justement, j'ai vu une marginalité. C'est pas facile de pouvoir s'extirper de tout ce contexte-là. Comme Bernard Lacy a bien dit, il faut pouvoir avoir une intelligence. Il avait dit un temps que pour s'individualiser, il faut avoir des grosses, grosses couilles. C'est ce qu'il Oui, avait dit. Oui, voilà. c'est une belle C'est ce qu'il expression avait dit. québécoise. Ça prend beaucoup de volonté pour s'individualiser. Oui, beaucoup de volonté. Mais quand il parlait, je ne comprenais pas au début ce qu'il voulait dire. Mais c'est après que j'ai compris ce qu'il avait voulu dire par ce terme. Ce n'est pas facile de pouvoir s'individualiser étant plongé dans un contexte culturel. Exactement. Par exemple, ici, vous savez, les religions ont beaucoup duré dans ce monde. Donc, pour quelqu'un qui vient aujourd'hui mettre à nu les faiblesses de ces religions et vivre autrement. Oui, ben j'imagine que les gens ils doivent pas être trop ouverts à la critique. Non, pas du tout. Ils ne sont pas trop ouverts. Mais je le comprends. Chacun suit son évolution. Exactement. Fait que c'est sûr que toi, tu t'inscris en écoutant du Bernard de Montréal dans un rythme d'évolution qui est très différent du contexte dans lequel tu te trouves. Donc, il doit y avoir un décalage important entre les deux, là. C'est ça. Puis, est-ce que tu trouves ça difficile à vivre, ce décalage-là? Ce décalage. Bon, au début, je trouvais ça difficile, mais avec le temps, je m'en sors peu à peu. J'arrive à m'extirper. OK. Fait que ben, c'est intéressant. Puis, c'est sûr que le fait que tu peux discuter avec des gens sur Facebook, ben, ça te permet d'avoir accès à une communauté au niveau d'Internet qui peut te soutenir là-dedans. Oui, j'ai été beaucoup soutenu par beaucoup de personnes au Québec. J'ai connu beaucoup de personnes super mentaux qui m'ont beaucoup aidé. Ah ben, c'est intéressant. Puis, sinon, est-ce que tu es déjà venu au Québec? Non, je suis arrivé là-bas. Oh! Je suis arrivé. Non, je suis arrivé au Québec. OK. Est-ce que tu vas venir ici dans les prochaines années? Bon, c'est mon souhait. C'est mon OK. souhait. Je veux un jour, durant ma vie, arriver au Québec. OK, donc tu vas venir faire un voyage ici? Bon, un voyage, oui. Oui, un voyage. Parce que disons que l'environnement québécois Oui. me fascine. L'environnement du Québec me fascine. OK, mais ce que je voulais dire, c'est... Oui, je vais te laisser parler. J'aime beaucoup l'environnement québécois. C'est très beau. OK, puis... Ce que je veux savoir, est-ce que toi, tu as l'intention de venir voyager au Québec ou vivre au Québec? Bon, je vais vivre. Ah, bon. Je vais aller vivre OK, donc c'est sûr que si à un moment donné, tu viens vivre au Québec, tu es le bienvenu pour me recontacter. On pourrait se rencontrer en personne. OK, pas de problème. C'est mon souhait. Pas de problème. OK, c'est sûr qu'au Québec, si tu viens vivre ici, tu aurais l'opportunité de rencontrer d'autres personnes qui sont dans le domaine de la conscience. Oui. Exactement. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, ça serait plus facile pour toi de continuer le processus d'intégration de la conscience. Oui, justement. Justement. Même ici, étant en Afrique, c'est à travers Facebook que je me suis familiarisé avec le sport mental. C'est à travers Facebook. Bon, ben. Facebook aura servi à quelque chose, comme on dit. Oui, justement. Puis sinon, si tu viens au Québec, comment tu trouves? Parce que nous autres, on a des tempêtes de neige ici. Ok, bon, je vais m'habituer. Je vais m'habituer. Parce que est-ce que tu as déjà été exposé à des tempêtes de neige? Non, jamais. OK. Fait que c'est Jamais. sûr, ça va être une expérience particulière la première fois quand tu vas voir de la neige en personne, là. Oui. J'ai jamais vu la neige tomber. C'est sur le net que je vois qu'il y a la neige au Québec. OK. Parce que au Québec, quand il y a des tempêtes de neige, des fois, les écoles sont fermées. Il y a des endroits aussi, des lieux de travail qui sont fermés. Fait que c'est vraiment particulier l'impact que ça peut avoir. Oui, justement, justement. Sinon, ben c'est sûr que j'étais curieux de savoir si, d'être en contact avec le matériel de Bernard de Montréal, t'as amené non seulement à faire des prises de conscience, mais à canaliser toi aussi du matériel, c'est-à-dire soit à travers la parole ou à travers l'écrit. Seulement l'écrit, non. OK. La parole aussi, non. Je n'écoute seulement que les conférences. J'ai su, moi, toutes les conférences de Bernard que j'ai prises sur le net. Et aussi, j'ai téléchargé tous ces livres OK. que je lis peu à peu. Ouais. OK. Fait que, ben, c'est sûr que tu as quand même beaucoup de matériel, étant donné qu'il a enregistré au-dessus de 500 conférences. Fait, j'ai sélectionné des conférences typiques que j'écoute régulièrement parce que le matériel folique, il est très volumineux. Si Oui. je veux et m'aventure à pouvoir écouter tout cela, ça risque de créer en moi un problème. Donc, j'ai sélectionné uniquement des conférences en rapport avec ma vie, ma condition de vie que j'écoute. Parce que je sais que le matériel de Bernard transmet le corps subtil peu à peu. En les écoutant, je sens en moi un changement. Oui, c'est la même chose aussi pour moi. Fait que c'est sûr que à ce moment-là, c'est intéressant d'écouter ces enregistrements-là pour intégrer la vibration de l'esprit. Faut dire aussi que avant, j'aimais beaucoup lire. OK. Avant, je lisais beaucoup. J'aimais la lecture. Mais actuellement, j'ai senti dans ces derniers temps un dégoût envers la lecture. Je n'arrive plus à lire plus de 4 pages affilées. Alors qu'avant, je lisais beaucoup. Maintenant, ce qui est récurrent, c'est la voix de Bernard qu'à tout moment j'écoute. Avant, j'écoutais le maître Ouram chaque jour, OK. mais depuis que j'ai pris contact avec le matériel de Bernard, il faut dire que j'ai laissé tomber Ouram et les autres. C'est du Bernard de Montréal que j'écoute chaque jour. Parce que je sens en moi quelque chose qui change. Oui, ben c'est sûr que Bernard de Montréal amène un changement vibratoire à la différence de certains maîtres spirituels ou d'autres personnes, là. Oui. Et aussi, lorsque j'écoute les conférences de Bernard, cette conférence de Bernard de Montréal, je sens moi, bon, souvent je sens des tensions internes. Vous voyez, c'est OK. comme là, je sens des tensions internes. Et après, ça passe peu à peu. Mais dans la majorité des cas, je sens de l'harmonie. Mais souvent, je sens des tensions internes. Oui, ben c'est sûr Pas que de conférences typiques. les enregistrements de Bernard de Montréal peuvent occasionner de la tension parce que ça va chercher à déloger l'astral en toi, s'il y en a. Donc c'est sûr que l'énergie mentale va pousser pour déloger l'astral. Justement. Ouais, parce Ça, que. ça, ça, ça, c'est ce que j'ai pensé. OK, ben c'est ça parce que les enregistrements servent à faire une transmutation énergétique. Sinon, je voulais savoir, est-ce que toi, tu as écouté quelques-uns de mes enregistrements? Bon, j'ai écouté deux enregistrements sur la sexualité et un autre enregistrement où tu parlais du matériel qu'il faut vivre dans le matériel de façon consciente. Oui, c'est ça, il faut vivre d'une manière consciente dans le matériel, là, en équilibre avec la matière. Oui. Et oui, tu as même parlé de ton cousin qui était moine, Oui. si je me souviens, oui. OK. Puis, est-ce que tu avais des commentaires par rapport à mes enregistrements? Concernant ton premier enregistrement où tu as parlé, où l'on devait vivre dans une matrice inconsciente, j'avais dans le temps ce problème-là. Quand j'étais spirituel, j'ignorais complètement le côté matériel. Pour OK. moi, j'étais toujours dans l'esprit. Le matériel, pour moi, ne me disait plus rien. OK. Ouais, ça après, peu à peu, quand j'écoutais Bernard de Montréal, où il parlait du travail, peu à peu, j'ai réalisé que le matériel était très important. C'est-à-dire qu'il fallait être grandé sur le plan matériel pour pouvoir élever sa conscience plus haut. C'est comme un arbre. Un arbre qui n'a pas de racines bien fixes dans le matériel ne peut pas se tenir debout et assimiler les énergies qui descendent. Donc le matériel était très très important. Donc Oui. ta conférence m'a rappelé ce que Bernard avait dit et ce que j'avais assimilé concernant le plan matériel. Oui, exactement, parce que ça prend des assises solides dans la matière pour pas être Oui. déstabilisé par la descente de l'énergie de l'esprit. Oui. C'est ça. Oui. Oui, ben c'était l'essence du message que je voulais véhiculer dans l'un de mes enregistrements. C'est très beau. Puis, sinon, dans le fond, c'est sûr que là, on assiste à des changements de société. Comme par exemple, au Québec, il y a un mariage sur deux environ qui est soldé par le divorce. Un mariage et deux. Oui, Voilà. Là, je savais pas. va se terminer Dans le divorce. avec un divorce ici au Québec. Et je voulais savoir si c'était la même chose en Côte d'Ivoire. Ah non, non. En Afrique, ici, le phénomène est différent. OK. Lorsque deux personnes se marient, on apprécie d'un mauvais œil un divorce. OK. Okay, mais je pense que souvent il faut divorcer. Si vous êtes en. Si vous vivez avec un partenaire ou une partenaire inconsciente qui n'a pas de respect pour vous, je pense que mieux vaut mieux le divorcer. Exact. Oui. Donc, Sinon, ici, un mariage est un peu mal perçu. Souvent, même, il y a des femmes qui subissent les caprices, l'inconscience de leur époux, OK. parce que si elles divorcent, ils vont l'indexer. Non. Qu'est-ce que Donc, tu elle oublie des fois, subit tout ça. C'est-à-dire que si elle divorce, qu'est-ce qui va arriver? J'ai pas compris. Bon, si elle divorce, elle sera indexée par les gens autour d'elle. Ben, qu'est-ce Par que tu exemple, veux dire par indexer? C'est pas clair pour moi le concept. en fait, quand je dis indexé, c'est que des gens vont lui prêter une mauvaise image. Ah, OK, donc elle va être victime de Ouais. médisance. Ou de médisance. Et puis aussi, une femme qui divorce avec plusieurs maris successivement est mal vue parce qu'ils vont dire que c'est une femme qui n'a pas un bon caractère. C'est pour cela qu'elle divorce. OK. Alors que dans le fond, souvent il faut dire que ici, les époux n'ont pas du respect envers les femmes. Certains époux n'ont pas de respect envers les femmes. OK. Voilà. Tandis qu'au début, au Québec, il y a peut-être 30 ou 40 ans, le divorce était mal vu, alors qu'aujourd'hui, il y a une plus grande acceptation sociale du phénomène du divorce. C'est plus accepté avec le temps ici. Donc, c'est sûr qu'au Québec, il y a eu beaucoup de séparation des couples, puis aujourd'hui, ça devient plus commun ou habituel ou normal d'être en contact avec des gens qui ont divorcé. Puis des gens aussi qui ont eu des enfants de différentes unions. Au Québec. Oui, dans le sens que le phénomène du Allô? divorce s'est normalisé avec le temps, là. dans le sens que c'est plus accepté, un petit peu comme par exemple le phénomène de l'homosexualité. Aujourd'hui au Québec, les gens qui sont homosexuels, c'est plus accepté socialement. Ah, ok, je vois. Ok. Tandis que vous autres en Côte d'Ivoire, est-ce que l'homosexualité est acceptée socialement? Non, pas du tout. C'est mal vu des autres. OK. Mais seulement me concernant, je pense que chacun doit vivre sa sexualité comme il l'entend. Oui. Les homosexuels aussi ont aussi le droit de pouvoir manifester leur point de vue. Faut les laisser vivre leur sexualité comme ils l'entendent. Ne pas s'ingérer dans leur vie privée. C'est leur expérience. Pour moi, en tout Exactement. cas. Oui, ben c'est la même chose par Mais rapport à moi, oui. oui, mais ici en Afrique, en Côte d'Ivoire, surtout en Afrique, l'homosexualité est très mal vue. Mais je pense qu'avec le temps, ils vont réaliser que être homosexuel, c'est une expérience d'âme que la personne vit. Exactement. Donc c'est ça, Sinon, il c'était. faut dire que, Oui. oui, sinon, il faut dire que les homosexuels aussi, ce sont des personnes qui ont beaucoup de sensibilité. C'est des êtres humains comme nous. Mais chez nous ici, une union entre deux personnes du même sexe est très mal vue. OK. Tandis que nous autres, il existe le mariage notamment entre les homosexuels, Oui. qui est de plus en plus accepté socialement. Donc, Oui. l'homosexualité est de plus en plus bien vue là, au Québec, puis en Occident en général. Donc, il y a eu beaucoup de changements là, depuis, entre autres, les 30 dernières années. Ouais. Fait que ça, c'est sûr que ça fait partie des différences culturelles qui est intéressant d'explorer là, entre les deux endroits où on réside, là. Sinon, en fait, pour conclure l'enregistrement, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Tout ce Oui. qu'on vit, c'est programmé. Oui. Tout ce qu'on vit est programmé maintenant. Il faut vivre l'événement de façon consciente, à tirer des leçons derrière chaque événement. Oui. Parce qu'il faut être capable d'intégrer l'énergie qui est derrière l'événement. Justement. Il faut avoir une volonté très forte pour pouvoir intégrer. C'est pas facile. Exactement. Donc, à ce moment-là, c'est ce qui va compléter cet entretien. Donc, ben, je te remercie généreusement du temps que tu y as consacré. Ok, merci beaucoup, David. Puisque c'est ma première fois de pouvoir faire une conférence audio, et je pense pas que je pouvais faire cette conférence, puisque hier même j'avais une peur en moi. Puisque c'est ma première fois que je fasse une audio avec quelqu'un du Canada. C'est une expérience aussi que j'ai vécue aujourd'hui. Je te remercie beaucoup. Oui, ben moi aussi, je te remercie beaucoup parce que dans le fond, ça a été une première pour nous deux. Donc, tu es la première personne que je connais qui écoute des enregistrements de Bernard de Montréal là, en Afrique. Donc, comme on dit, il y a un début à tout. Puis, on garde contact. Ok, merci beaucoup. Merci David. OK. Passe une bonne journée. C'est ça. D'accord. Merci. Bye. Merci à toi aussi. Bye-bye.